Ladies and gentlemen, we ask you to remain seated, please, because we're waiting for the police to come on board, please. Thank you. Okay. Can you get your stuff and come with? À London, c'est la meilleure. Nous, on a bien atterri. Parce qu'un heureux, même fou, engendre un petit peu, quelque part, le bonheur. Ou la haine. Mais la haine, ça stimule la santé des imbéciles. Est-ce que tu te rappelles, ma gueule, est-ce que tu te rappelles? La squale, les problèmes, la squale, la bonne, à midi, minuit, sur le terrain, ben des rocs, le monde est autre, à main, pas prêt de montrer mes mains, ouais, est-ce que tu te rappelles, chacal, est-ce que tu te rappelles? La squale, les problèmes, la squale, la bonne, à midi, minuit, sur le terrain, ben des rocs, le monde est autre, à main, pas prêt de montrer mes mains, ouais, est-ce que tu te rappelles, chacal, est-ce que tu te rappelles? Ça me court sur le terrain, la squale s'en fout du parent. Personne n'a pas réglé comme Bendejo, il a les crocos. Comme Bendejo, il a les crocs. Est-ce que tu te rappelles, ouais, chacal, rappelle-toi. La drogue, la nanba, le vol, les rodkas, les poches vides, l'allerga, les euros rendent heureux. Mais le haine dira que mon porte des couilles monte au front. Au front, je suis monté interminable et le rocher. La squale, le mental, gros, je suis pas prêt de caler. Ma gueule, j'ai osé, maintenant ma gueule, je veux manger. Je t'ai dit, ma gueule, je veux manger. À ce qui paraît, gros, je me répète, je pars que de la squale et de pépette. La squale et de ses pépins, du peu pour que Mister New, y'a pas de mystère, zéro piston, tu parles beaucoup de nos méfaits. Mais méfie-toi, toi t'as rien fait, tu vas foutre, t'es pas futé, t'es même pas foutu de casser un tête, t'es même pas foutu de péter tête. Gros, je mets le paquet, gros, j'ai de braquet, je compte pas flopper, gros, je compte compter, toi t'as un pipeau, parle pas bédo. Parlons peu, mais parlons cru, parlons rond, parlons tes fonds, est-ce que t'es sûr de vouloir conclure? Parce que la squale risque de barber, chacun la squale risque de se barrer, tu vas investir dans un bourreau, t'as pas les couilles de faire le boulot. Chacal a scrollé de te barrer. Ouais, chacal, je vais te barber, tu vas investir dans un bourreau. Est-ce que tu te rappelles, ma gueule, est-ce que tu te rappelles?